بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة البلد في المسألة 27 بعد المئتين 227 مسألة يقول تعالى لا أقسم بهذا البلد الرسول صلى الله عليه وسلم نو puis il dit je jure par ce pays verset 1 et ça on avait déjà parlé dans des masales précédentes que l'auteur avait promis d'en parler par rapport à la lettre la le harf la qui se trouve ici dans ce verset قال هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة مع أنه تعالى أقسم به في قوله وهذا البلد الأمين Donc ce noble verset, dans son apparent, laisse croire que Allah Azza wa Jal informe qu'il ne jure pas par ce pays, c'est-à-dire qu'il est Mekka, le Mukarrama. Alors que, dans Surat al-Tin, il jure par ce pays, dit, « قال » verset 3. « قال الجواب عن هذا من أوجوه » Donc on répond cela par plusieurs points. Et on a déjà parlé de la dernière fois dans la masala qui était liée à cela. On disait, « La yukusimu bimawaki an nujum » « قال الأولو » وعلى الجمهور ان لا هنا صله على عاده العرب فانها ربما لفظت لا من غير قصد معناها الاصلي بل لمجرد تقويه الكلام وتوكيده كقوله تعالى ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعن donc il dit ça c'est la parole du jumhur depuis la plupart des savants que la ici s'appelle sila wa tawkid c'est-à-dire c'est un harf si c'est pas en dehors du coran on va dire que c'est un harf qui est rajouté Dans le Coran, c'est un harf qui vient avec un sens de tawkid, d'affirmation encore plus. C'est-à-dire que le sens de la n'a pas son sens d'origine qu'on connaît qui est la négation. Comme dans le sens de la, il dit, lorsqu'il parle de Moussa qui parle à Haroun, il dit qu'est-ce qui t'a empêché si tu les as vus s'égarer. Vous voyez ? Et il dit, en apparent, on dirait de ne pas me suivre, alors qu'en vrai, il veut dire de me suivre, mon ordre. Il dit, Allah tattabi'an. Alors que Moussa alayhi salam veut de Haroun qui le suive à la base. Donc là, Allah tatabi'an, le ma'na c'est de me suivre. Wa qawlihi ma mana'aka alla tasjuda. Lorsqu'il a dit à Iblis, Al-La'in, qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas te prosterner? Car là on a alla tasjuda. Et en vrai c'est antasjuda. C'est-à-dire qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Donc là, le la ici n'a pas dans le sens de base connue, qui est la négation. Et ça, c'est l'un des akwal. Il y a des khilafs par rapport à ces akwal, mais c'est ce que l'auteur cite. Mathalan, il dit comme exemple, « لِأَلَّا يَعْلَمَا أَهْلُ الْكِتَابِ » En apparent, on pourrait croire pour que les gens du livre ne savent pas, alors qu'en réalité, c'est pour que sachent les gens du livre. C'est le contraire. Puis c'est à différents versets où, justement, il y a ce « la » qui est sulaib au tawkid. Donc là, c'est l'un des calls qui a été donné, que « la » ici, sulaib au tawkid, c'est un harf qui n'a pas le sens de base, d'origine. Et c'est la parole de la plupart des savants. Après, c'est le deuxième wajh, comme on l'avait dit également auparavant, « An la nafiyu ni kalam et mushrikin et mukadzibina lil nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qawluhu uqsimu isbatun musta'nifun » Donc le « la » à la base qui a été donné, en fait, c'est un « la » qui est à part, qui est là pour nier la parole des mushrikin qui ont démenti le nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il disait « non », après cette nouvelle phrase qui rentre, « je jure par ce pays ». C'est-à-dire, le serment qui vient par la suite est une phrase nouvelle. Et également, ce qu'on, beaucoup de l'ulama ont cité. Mais l'auteur voit que ce qu'on-là, il est faible. Il voit que ce qu'on-là, il est faible. Al-wajh al-thalith, ana harfun nafi aidan. Troisième wajh, réponse, c'est que c'est, elle reste un harf sur sa base, de nafi, également. Mais cette réponse-là, je ne pourrais pas vous la traduire. Elle sera difficile à traduire et à expliquer. وقال وجه رابع ان لم هنا لم الابتداء en fait c'est un harf d'ibtida c'est-à-dire de début de phrase que l'on met qu'on entend souvent qui rentre dans le mubtada مثلا واشبعت فتحها والعرب ربما اشبعت الفتح بالالف والكسره بالياء والضمه بالواو alors qu'à la base le taukid l'ibtida il rentre il c'est juste un lem avec une fatha il y a pas d'alif par exemple tu veux dire la zaidun qaimun La Zaydoun Qa'imoun. Donc là, ce lem qu'on a ici, c'est un lem l'ibtida, qui rentre en début de phrase. Et il dit que parfois, les Arabes rajoutent un alif avec une fatha, ou rajoutent un ya avec une kasra ou rajoute un waw avec une dhamma. Et de là, dans ce cas-là, ce serait un lam al ibtida auquel on aurait ajouté un alif et une fatha. Ça aurait fait la uqsimu. Alors qu'à la base, ça aurait été la uqsimu, sans med. Ça, c'est une des réponses qui a également été donnée. Wallahu ta'ala alam, wa alhamdu rabbil alamin.